politique. Tout a été dit, bien sûr, depuis une dizaine d'années sur Cyril Hanouna, la dernière star de la télévision française, sur sa supposée bêtise et son éventuel génie, sur les abîmes de vide de ses émissions et, bien sûr, sur leur pic d'audience. Tout a été dit et au fond, on n'y comprend pas grand-chose, sinon que la vérité du personnage pourrait être dans cet écartèlement, dans l'exploitation quotidienne de cet oxymore. Cyril Hanouna serait un personnage de Sartre, une machination de l'être et du néant. Donc « Touche pas à mon poste » serait un humanisme ? Bien plus que cela, en fait. « Touche pas à mon poste » est du côté de la transcendance. Il faut déjà partir du fait que l'animateur occupe un temps quotidien d'antenne absolument record. Il est à peu près tout le temps là. Il vit à la télévision. En cela, sa chaîne, C8, ressemble à celle d'un télé-évangéliste américain. Une exception, cependant, Hanouna n'est jamais là le vendredi. L'hypothèse évidente du week-end prolongé, soutenue tous les jeudis par les blagues de l'animateur annonçant que le lendemain il a poney, piscine ou ski nautique, pourrait en fait dissimuler une raison beaucoup plus évidente et spectaculairement moins laïque. Cyril Hanouna ne serait pas là le vendredi soir car il est juif et qu'il ferait Shabbat. Je crois que j'ai enfin compris le personnage quand un ami, fidèle téléspectateur, m'a fait part de cette hypothèse. Nous venions justement de commenter l'une des dernières saillies de l'animateur, ses propos polémiques en direct dans Balance ton poste sur les caricatures et le blasphème. Et il a dit, est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de dessins comme ce Charlie Hebdo qui mettent, mine de rien, de l'huile sur le feu ? De l'huile sur le feu, on s'en souvient, c'était la définition qu'avait donné Charb de l'humour dans une célèbre couverture de Charlie. Les champions de la laïcité sont donc sans cesse déçus par Cyril Hanouna. Donc est-ce que ça veut dire, à contrario, que les esprits religieux, eux, s'y retrouveraient ? C'est un peu mon hypothèse. Alors les appartenances religieuses au sens large, ce n'est pas quelque chose dont on parle facilement. En France, c'est un tabou républicain, sauf qu'il y a un endroit où ces appartenances font bien partie du paysage, c'est dans les émissions de Cyril Hanouna. Il paraîtrait absurde, presque, d'y faire profession d'athéisme. Alors la facilité semblerait d'en conclure au péril communautaire et de ranger une nouvelle fois Hanouna dans la catégorie des idiots utiles de ce qu'on voudra. Mais ce qui m'est apparu plus tôt, avec une véritable clarté spinozienne, c'est le caractère œcuménique du personnage, œcuménique plutôt que populaire. Et je me suis mis à regarder ces tumultueuses émissions comme l'un des endroits où parvenaient encore à dialoguer les religions du livre, un espace où les trois monothéismes, invités par le premier, le plus ancien d'entre eux, en cela peut-être le plus généreux des trois, parvenaient encore à coexister. Alors, on m'objectera que la République en est un aussi, autrement plus solide, mais je cherche pas ici à défendre l'idéal républicain, seulement à expliquer l'incroyable succès d'Hanouna, l'incroyable ferveur que son personnage nourrit quand son concurrent principal, Yann Barthès, a fait le pari plus convenu de l'ironie et de la neutralité. Il semble bien que cette fois, Voltaire soit condamné à perdre. Donc en fait, Cyril Hanouna serait pas philosophe, ce serait l'anti-philosophe. En tout cas, c'est un ennemi déclaré de Voltaire, c'est certain. Sauf que Voltaire, ce n'est pas toute notre philosophie. C'est une philosophie qui nous va bien, qui nous arrange en ce qu'elle considère comme réglée la question théologico-politique. Et Hanouna, justement, nous dérange avec cette façon saugrenue et particulièrement divertissante qu'il aura de piétiner cette trop voltairienne évidence. La fille est née de l'église, s'émancipait à peine de sa mère écrasante, que voilà que débarque du fond du temps ou de l'autre côté de la Méditerranée quantité de cousines turbulentes et gouailleuses. Et le monothéisme, au moment où on le pensait sur le point de disparaître, vient d'éclater sur le plateau d'Hanouna en trois branches concurrentes, farfelues et vivace. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff avec Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui, à la lecture des textes Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Bourdieu. Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu ? Demain, la réponse sera oui, c'est Gisèle Sapiro qui viendra se demander si le goût est une question de classe et de classe sociale. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission et nous retrouver sur les réseaux sociaux. À demain, 10h, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.